une envie d'océan. Le silence est partout, comme une eau invisible, et le soleil repeint de ses ocres rayons la cime des grands pins, figés et impassibles. La résine parfume l'éther en suspension. Plus loin vers l'horizon, dans un fracas mousseux, l'océan parvenu au terme du voyage vint s'épancher au sable en élan paresseux. D'éphémères miroirs scintillent sur la plage. Aux malandes, aux matins enfumés de nuages, où la dune changeante au vent, toujours offerte, où la vague alanguit le long des blonds rivages, infiniment termine ta forêt si verte. Avalée par la gueule béante du rouleau, battue et ballottée dans ce ventre liquide, la bouche emplie d'écume, je m'en vais à volo, dans un courant de sel aux piqûres perfides. Et puis dans le sommeil où je m'anéantis, sensuellement pris d'une douce langueur, quand le rayon de rat me braise, me rôtit, je navigue en un flot de câline chaleur.